السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivaient sur la radio du Merkez Al-Imam Al-Shafi'i, qui est dirigé par notre noble cher, le cher Abul Harith Ahmed ibn Suleyman Badoukhun Hafidhahullah Ta'ala. Le cher qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense en bien pour ses efforts dans l'enseignement des musulmans, a, dans la soirée d'hier, accordé du temps afin de transmettre certains enseignements concernant la compréhension de Ayat al-Kursi, le verset numéro 255 de Surat al-Baqarah. Et le cheikh, dans son allocution, hafidhahullah ta'ala, a mentionné qu'Allah azza wa jal a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour des sagesses importantes, pour des raisons importantes. Parmi elles, le fait que l'on médite sur les versets du Coran al-Karim, que l'on médite sur ses sens, que l'on tire profit de ses exhortations, de ses enseignements. Et il mentionna le verset de Surat Sad, le verset numéro 25, 29, excusez-moi, dont le sens en français est le suivant. Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc, on bénéficie du Coran par le fait de tirer des leçons de ses exhortations et de bénéficier de ses enseignements, ainsi que des jugements qu'il contient. Et le cheikh, hafadahullah ta'ala, a expliqué que le Coran a des passages qui sont supérieurs à d'autres. Et cette supériorité qui existe entre les passages du Coran est une supériorité qui est établie et qui est relative au contenu de ces passages coraniques. Car un passage abordant et parlant d'Allah et de ses attributs subhanahu wa ta'ala est un passage du Coran qui est plus grandiose que d'autres passages. Et quant à la récompense relative à la lecture des lettres du Coran, alors elle est la même quel qu'en soit le passage qui est lu, c'est-à-dire chaque lettre est récompensée d'une hasana qui est multipliée elle-même par 10 pour chaque lettre du Coran qui est lue, quel qu'en soit le passage lu. Cependant, il y a une différence en termes de vertu entre les passages selon le contenu qu'ils contiennent. Et il donna un exemple en comparant entre Surat al-Ikhlas, qui est une sourate qui parle d'Allah, abordant son tawhid, abordant son unicité, abordant sa perfection dans ses attributs et exemptant Allah de toute déficience, de tout manquement, de tout défaut et de toute faiblesse et déficience. Et il compara cette sourate-là à une autre sourate du Coran al-Karim, qui est sourate al-Masad, qui est une sourate abordant et mentionnant le châtiment que subira Abu Lahab ainsi que son épouse, qui sont tous deux morts sur la mécréance. Ces deux passages du Coran n'abordent pas les mêmes choses. L'un parle d'Allah et de ses attributs et de son tawhid, l'autre parle de la fin funeste de certains mécréants. Donc il y a une distinction entre les passages du Coran en termes de supériorité, en termes de mérite. Il y a donc une distinction entre les différents passages du Coran. Et ceci est établi selon le contenu de ces passages. Et il en est de même donc pour le verset dit al-Kursi, Ayat al-Kursi, le verset numéro 255 de Surat al-Baqarah, qui est considéré comme étant le verset le plus grandiose et le plus noble du Coran, du fait qu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le statut de ce verset comme étant le verset le plus grandiose du Coran al-Karim est un statut qui lui fut conféré de par un texte prophétique. En effet, dans un hadith sahih, authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interrogé son compagnon Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, concernant quel était le plus sublime, le plus grandiose verset du Coran. Ce à quoi il répondit avec la mention d'ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, al-ayat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut tellement réjoui de cette réponse qu'il frappa de sa main, la paume de sa main, la poitrine de son compagnon et le félicita pour sa réponse. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on tire de ce hadith que le fait de connaître quels sont les passages les plus méritants ou les plus sublimes et qui sont supérieurs aux autres passages dans le Coran, donc connaître ces différents passages et connaître la distinction qu'il y a entre eux en termes de supériorité, fait partie de la science bénéfique qui, si elle est acquise par le serviteur, mérite qu'on l'en félicite. Et donc, Ayatul Kursi, ses sens sont grandioses, car ce verset parle d'Allah, ce passage-là, ce verset parle d'Allah du début à la fin, abordant certains aspects relatifs à Allah, abordant la perfection de ses attributs et le fait qu'Allah est exempt de toute faiblesse, de tout manquement et de toute déficience ou faiblesse. De ce fait, ce verset a des mérites bien particuliers. Parmi les mérites de ce verset, le fait que ce verset, Ayatul Kursi, le cheikh a mentionné que c'est une cause d'entrée au paradis. En effet, il est rapporté d'Abu Umama, radiallahu anhu, qui rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné que quiconque viendrait à réciter le verset d'Al-Kursi, le verset numéro 255 de Sourate Al-Baqarah, le verset d'Al-Kursi, après chaque prière obligatoire, alors rien ne le sépare du paradis si ce n'est la mort. Donc on tire comme mérite que la lecture de Ayatul Kursi est une cause d'entrée au paradis, si ce verset est lu après chaque prière obligatoire. Cependant, le cheikh Ahmed Badouh, hafidhahullah, a attiré l'attention sur un point important, le fait qu'il convient de méditer et de réfléchir, c'est-à-dire avoir à l'esprit et méditer concernant les sens des termes évoqués dans ce passage du Coran. Et de ne pas se contenter de simplement réciter Ayatul Kursi après la prière en ayant un cœur insouciant, inattentif à ce que la bouche est en train de proférer. Et il mentionna que Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah avait mentionné qu'on bénéficie de l'impact des invocations et des formules de rappel que l'on accomplit après les prières ou qui sont légiférées, on en tire réellement un effet et un bénéfice sur soi si on les prononce et on les profère, on les récite avec un cœur présent, c'est-à-dire un cœur qui est attentif, faisant attention et méditant sur l'essence de ce qui est proféré par la bouche. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah avait mentionné que pour tirer profit des formules de rappel et des invocations qui sont légiférées, alors pour que ça ait un effet sur nous, ces formules d'évocation doivent être accomplies avec un cœur présent. Également, parmi les bénéfices et les mérites de Ayatul Kursi, que le cheikh mentionna, hafidhahullah, le fait que Ayatul Kursi est une cause de préservation, c'est-à-dire une cause de protection. En effet, il rapporta le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui fut désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour, ou plutôt qui fut désigné pour garder la zakat. Il surveillait les dates qui avaient été données en aumône, qui était l'aumône d'Al-Fitr. Et il avait surpris un chapardeur, c'est-à-dire qu'il avait remarqué que les quantités de dates diminuaient. Et il a mis la main sur celui qui dérobait de la zakat. Et il voulut le ramener au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit jugé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme se justifia, chercha à susciter la pitié de Abu Huraira et promit de ne pas revenir. Il le relâcha. Puis il l'attrapa encore une fois, en train d'accomplir ce larcin qu'est le vol, une nouvelle fois. Et ceci eut lieu à de multiples reprises, jusqu'à ce qu'à la dernière fois, Abu Huraira lui a dit, cette fois-ci, je t'emmènerai certainement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme, en échange de sa libération, qu'il le laisse partir, lui transmit un enseignement. Le fait que s'il venait à lire au soir, alors qu'il se rend à sa couche, Ayatul Kursi, le verset d'El Kursi, alors il sera préservé jusqu'au matin. Et Abu Huraira ne s'est pas contenté d'accepter cette information directement de cet individu. Il a relâché cet individu et rapporta cet événement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit qu'il a été véridique à ton égard, bien que ce soit un grand menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc corroboré le propos de cet homme, qui était, comme on le sait de par la fin du hadith, était un démon. C'était le diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé, c'est-à-dire Abu Huraira, de cela. Mais ce démon qui avait pris forme humaine était quelqu'un qui avait été véridique dans son propos concernant le mérite de la lecture du verset d'El Kursi, de Ayatul Kursi, du fait que c'était une cause de préservation jusqu'au matin, une cause de protection. Car celui qui le lit le soir, Allah lui accorde un ange qui le préserve des démons et des nuisances jusqu'au matin. Et Cheikh Ahmed Badoukhoun a apporté une précision en disant que ce soit une préservation qui est constante et qui persiste, que l'on soit en état d'éveil ou en état de sommeil, jusqu'au matin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la description de cet individu, il l'a décrit comme étant un grand menteur, c'est-à-dire que ce diable qui était personnifié sous forme humaine avait été véridique, car ce qu'il avait dit à Abu Huraira était bel et bien conforme à la législation, à la révélation, bien que ce soit un grand menteur. Et on tire que le kafir, ou la personne qui est une personne menteuse, peut à un certain moment dire la vérité. Mais cela dit, le cheikh Ahmed Badoukhoun a réfuté une ambiguïté, qui est une ambiguïté de certains qui légitime le fait de prendre la science des innovateurs, des gens de l'innovation, argumentant avec ce hadith, dans lequel Abu Huraira, selon leur compréhension erronée, aurait pris la science du diable. Or, Abu Huraira n'a pas accepté directement l'information qu'il a prise de cet individu, mais l'a ramenée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a approuvé le contenu de ce propos et qui a affirmé que, bien que ce démon sous forme humaine était un grand menteur, il a été véridique quant à son affirmation de la préservation accordée à celui qui viendra réciter Ayatul Kursi. Ensuite, le cheikh Ahmed Badoukhoun récita Ayatul Kursi, dont le sens approximatif en français est Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est lui, le vivant, le subsistant par lui-même. Et donc ça, c'est la partie que nous allons aborder d'abord, dans un premier temps. Donc, Allah, dans ce verset, a mentionné Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est lui. Donc ce verset qui est le plus noble verset du Coran, Cheikh Ahmed Badoukhoun hafidhahullah a expliqué que donc il débute par le tawhid, l'unicité d'Allah dans son droit exclusif à se voir accorder les formes d'adoration. C'est-à-dire le fait que l'on doit vouer toute forme d'adoration exclusivement à Allah. Et il est al-hayyul qayyum. Et ce sont deux noms d'Allah, al-hayyu, que l'on pourrait traduire comme étant le vivant, celui qui est le vivant d'une existence parfaite, et Al-Qayyum, le subsistant par lui-même, c'est-à-dire celui qui subsiste de par lui-même, mais dont les créatures dépendent pour leur existence et leur subsistance et leur pérennité. Et donc, ces deux noms d'Allah sont considérés comme étant le nom le plus sublime et le plus grandiose d'Allah, celui par lequel, lorsqu'Allah est sollicité et est invoqué et qu'il est appelé par ses noms, alors Allah exauce celui qui l'aura invoqué. Et ceci est en vertu d'un hadith dans lequel un homme, parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en prière fit une invocation dans laquelle il mentionna plusieurs noms d'Allah, parmi eux, Al-Hayyul Qayyum. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, tu as certes invoqué Allah avec son nom le plus sublime, son nom le plus grandiose, celui par lequel, s'il est invoqué, il exauce. Et Al-Hayyu est lié aux attributs d'essence, tandis qu'Al-Qayyum est lié aux attributs d'action. Al-Hayyu est lié aux attributs d'essence, c'est-à-dire les attributs inhérents à l'être d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Hayyu fait référence au fait qu'il est le vivant, c'est-à-dire celui qui a l'attribut de la vie, une existence parfaite, une existence qui est dénuée de début et qui est dénuée de fin. Allah n'a pas eu une existence, n'a pas une existence qui a été précédée par la non-existence, c'est-à-dire le néant. Allah n'a pas été inexistant puis a existé. Il a toujours existé. Une existence sans début. Et c'est une existence qui est parfaite, qui perdurera et qui n'aura jamais de fin. Contrairement aux créatures. Et son existence est une existence qui n'est pas affecté par la somnolence, la torpeur, le sommeil, ou qu'il pourrait être affecté par l'oubli, ou qu'il soit insouciant ou inattentif à quelque chose, ou qu'il soit ignorant de quelque chose, ou qu'il puisse dépendre de qui que ce soit en dehors de lui, azzawajal, qu'il dépende de qui que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a une existence parfaite. Tandis que les créatures sont elles déficientes et leur existence est précédée d'une non-existence, c'est-à-dire qu'elles font partie du néant, de ce qui n'existe pas. Puis les créatures sont amenées par la création à l'existence. Puis leur existence est suivie d'une fin à leur existence par la mort. Et le cheikh mentionna le verset de Sourate Al-Insan, le verset numéro 1, dont le sens en français est le suivant. S'est-il donc écoulé pour l'homme un temps durant lequel il n'était pas une chose mentionnable? Le cheikh a expliqué, c'est-à-dire qu'il fut un temps où l'être humain, avant qu'il ne vienne à être existant, était donc inexistant, il n'existait pas. Puis il fut amené à l'existence. Et également, l'existence des créatures, et notamment de l'être humain, a une fin. Et il mentionna le verset de Sourate Ar-Rahman, le verset 26 et 27, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence au fait que ce qui se trouve sur la terre va périr. Tout ce qui existe, toutes les créatures vont périr, ne subsistera que ton Seigneur, le plein de majesté et de noblesse. Celui qui a la majesté parfaite et qui a la noblesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'être humain est faible, déficient, sujet à l'inattention, au fait d'être insouciant. Il dort, il oublie, il est affecté par la somnolence et la torpeur. Et donc, le nom d'Allah, Al-Hayyu, fait référence à son existence parfaite et implique qu'il possède des attributs parfaits, comme l'attribut de la science, l'omniscience, le fait qu'Allah sait toute chose, le fait qu'Allah ait l'attribut de l'Qudra, l'omnipotence, qu'il soit capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut, il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il a l'attribut de l'ouïe et de la vue, qui sont des attributs de perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a expliqué le second nom d'Allah mentionné dans ce passage, qui est Al-Qayyum, que l'on pourrait modestement traduire par celui qui est le subsistant par lui-même. Et ceci renvoie au fait qu'il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même pour exister. Il est existant de par lui-même, mais l'ensemble des autres êtres dépendent de lui quant à leur existence. Allah a créé les créatures et contrôle tous les aspects relatifs à leur vie. Il en a le contrôle total et absolu. Il les a créés, leur octroie la subsistance, il les nourrit, Il les exauce lorsqu'ils l'invoquent. Il leur accorde ce dont ils ont besoin. Et il est celui qui se charge de toutes choses relatives à la vie de ses serviteurs et de ses créatures. Il mentionna le verset de Sourate Ar-Ra'd, le verset numéro 33, dans le sens où, il y en est dans le sens approximatif en français, est le suivant, et il est celui qui se charge de ce qui est relatif à chaque âme par rapport à ce qu'elle aura accompli. Et donc Allah possède des attributs d'action parfaits. Car comme nous l'avons mentionné, notre cher Ahmed Badoukhoun Hafidhahullah a expliqué qu'Al-Hayyu était un nom qui était en rapport avec les attributs d'essence, les attributs inhérents à l'être d'Allah. Tandis qu'Al-Qayyum, c'est un nom qui est relatif et qui est en rapport et qui est lié aux attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom implique donc qu'il possède les attributs d'action qui sont parfaits. Il crée, il pourvoit en subsistance, il élève et rabaisse qui il veut, il honore et couvre d'ignominie qui il veut, il donne la vie et la mort. Et dans la suite du verset, du verset donc, du Kursi, Ayat al-Kursi, il est dit que nulle somnolence ni nul sommeil ne le saisissent. Donc, As-Sina et An-Nawm. As-Sina, ce que l'on pourrait traduire par somnolence, ou la torpeur, ou l'inattention, comme le cheikh Ahmed Badoukhoun les a expliqués. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par la perfection de son existence, et de son autosuffisance, et de la perfection de ce qu'il accomplit envers ses créatures, rien ne lui échappe. Il n'est pas affecté par la torpeur ou le sommeil. Et donc le fait que Allah ait nié le fait qu'il puisse être affecté par la somnolence, et la torpeur, par le torpeur ou la somnolence, ou pardon, la torpeur et le sommeil, sachant que As-Sina est défini, et Cheikh Ahmed Badoukhoun l'a mentionné, hafadahullah, que ça peut être un terme qui désigne les prémices du sommeil, c'est-à-dire l'état de somnolence et de torpeur dans lequel on faiblit en concentration et puis on sombre dans le sommeil. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par la perfection de son existence, rien ne lui échappe, il n'est pas affecté par la torpeur ou le sommeil. Il y a dans ce passage une négation de défaut. Et quand on nie un défaut ou une faiblesse ou une déficience vis-à-vis d'Allah, alors ceci implique l'affirmation de la perfection de son élément qui est antagoniste. C'est-à-dire que lorsque l'on nie une déficience à Allah, ça veut dire que l'aspect qui lui est antagoniste, nous affirmons sa perfection. Et le cheikh a donné des exemples. Le fait que lorsque l'on dit que Allah n'opprime personne et ne transgresse et n'est injuste envers personne, ceci est une négation d'un défaut, impliquant que nous affirmons la perfection de l'élément qui est antagoniste, c'est-à-dire que nous affirmons la parfaite justice et équité d'Allah envers ses créatures. Nous nions le fait qu'Allah soit injuste envers ses créatures, c'est-à-dire que donc Allah est parfaitement juste envers ses créatures. De la même, le cheikh a donné un autre exemple, le fait que nous nions le fait qu'Allah ait une compagne. Ceci est une affirmation de la perfection de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Puis, parmi les enseignements bénéfiques que le cheikh a mentionné, hafidhahullah ta'ala, le fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas affecté par la torpeur ni par le sommeil, et ça, c'est de par la perfection de son existence. Quant à l'être humain, lui, il est faible. Il est faible et il est déficient. Et il mentionna un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que Allah ne dort pas et ceci ne lui sied pas de dormir. Et Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim avait expliqué que cette expression que ceci ne lui sied pas, lorsque ceci est mentionné dans les textes de la charia, les textes de la révélation, c'est-à-dire que ceci n'est pas possible que cela survienne dans un point de vue de la législation ou dans un point de vue de ce qui est rationnel. Et les gens du paradis, eux, ne dorment pas, car leur existence est une existence différente de celle qu'ils ont dans cette dunya. Et dans l'au-delà, les gens du paradis jouissent en permanence des délices octroyés aux serviteurs d'Allah au paradis. ils ne sont pas séparés par le sommeil. Tandis que l'humain dans cette vie, il est sujet à la fatigue, au fait d'être fourbu et donc d'être affecté par le besoin du sommeil, envers le sommeil. Et Allah est celui qui ne dort jamais et il est bien au-dessus de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, a mentionné la suite du verset, c'est-à-dire de l'ayat al-Kursi. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc ceci fait référence au fait qu'Allah est le possesseur et le détenteur de tout ce qui existe. Il est le détenteur de ses créatures. Et il est celui qui détient la royauté totale et absolue. Et il mentionne un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah a dit, donc c'est la traduction approximative et résumée d'un hadith qudsi, dont les sens en français sont que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a mentionné qu'Allah a mentionné que si les hommes et les djinns, dans leur entièreté, ces deux communautés, avec chacun de leurs membres, se réunissaient dans un seul et même endroit, que chacun d'entre eux invoquait Allah, lui demandant quelque chose, et qu'Allah accordait à tout à chacun ce qu'il a demandé à Allah, ceci ne diminuerait en rien à ce que Allah possède à l'image d'une aiguille qui serait trempée dans l'eau de mer. C'est-à-dire une aiguille qui est trempée dans l'eau de mer et que l'on retire, l'eau qui reste sur l'aiguille, comparée à la quantité de la mer, ceci est la comparaison qui fut faite dans ce hadith Qudsi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'entendre toutes ces créatures en même temps. Si tous les êtres humains, si tous les djinns se réunissaient dans un même endroit avec leurs différentes langues et qu'ils s'exprimaient tous en même temps, Allah les entend parfaitement chacun d'entre eux. Et le cheikh a mentionné que l'être humain, si plusieurs personnes lui parlent en même temps, il n'est pas capable de focaliser sur une, de comprendre et d'être attentif sur ce que dit une de ces créatures, si plusieurs s'adressent à lui en même temps. Allah entend parfaitement toutes ces créatures. Toutes ces créatures, si tous les hommes et les djinns l'invoquaient en même temps, quelle qu'en soit leur langue, Allah les entend parfaitement et comprend et sait parfaitement ce qu'ils disent. Subhanahu wa ta'ala. Plutôt que de dire comprendre, Allah sait tout ce qu'ils disent. Subhanahu wa ta'ala. Et il est capable de les exaucer tous. Et ceci ne n'enlèverait rien à son royaume, Azza wa Jalla. Ensuite, dans la suite du verset, c'est-à-dire dans Ayat al-Kursi, il est fait la mention d'un passage dont le sens en français est « Qui peut donc intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission ?» Ceci est une implication de la négation, c'est-à-dire dans le sens où nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. C'est-à-dire que tu ne peux pas intercéder sans la permission d'Allah au préalable. Tandis que les êtres humains, une personne peut intercéder en faveur d'une autre créature, auprès d'une créature directement. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas comme ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut intercéder auprès d'Allah qu'avec sa permission. Et le cheikh a mentionné le long hadith, qu'il mentionna de façon résumée, qui est le hadith faisant référence à ce qu'on appelle la shafa'atul uzma. L'intercession la plus grandiose, la grandiose intercession, qui est que lorsque les gens seront ressuscités et seront rassemblés sur la terre sur laquelle le jugement aura lieu, les serviteurs vont être souffrants de la situation, ils vont souffrir de la situation dans laquelle ils seront et de la pénibilité de la situation. Ils solliciteront donc les différents prophètes afin qu'ils sollicitent d'Allah qu'Allah daigne commencer le jugement. Afin qu'Allah commence le jugement plutôt. Et les prophètes qui seront sollicités refuseront de le faire. Que ce soit Adam, que ce soit Isa, que ce soit Ibrahim, que ce soit Moussa, que ce soit Nuh, chacun d'entre eux refusera de le faire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui va accepter de le faire. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé directement à intercéder? Non. Le prophète sallam, dans le hadith a mentionné qu'il se prosternera devant Allah et qu'il le glorifiera et qu'il le glorifiera jusqu'à ce que Allah lui dise, selon le sens approximatif de son propos, azzawajal, selon le sens approximatif du sens de la parole d'Allah azzawajal en langue française, ô Mohammed, lève ta tête, demande et te sera accordé, intercède et ton intercession sera exaucée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédera à l'intercession. Et donc ce hadith nous montre la grande ignorance des polythéistes adorateurs des tombes et des morts, qui invoquent les morts pensant que les morts peuvent leur accorder d'intercéder en leur faveur. Ceci est une ignorance. Ils sont ignorants vis-à-vis d'Allah, ils sont ignorants de la réalité de l'intercession. Et leur polythéisme et leur déviance leur a été embelli. La première intercession auprès d'Allah aura lieu Yom al-Qiyamah, et c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionna le verset de Sourate Az-Zumar, le verset numéro 67, dont la traduction approximative du sens est le suivant, ou est la suivante. Ils n'ont pas estimé Allah comme ils devraient, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Ensuite, le cheikh Hafidhahullah a commencé à expliquer la suite de Ayatul Kursi, la partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence au fait qu'il connaît ce qui est yani devant eux et ce qui se trouve derrière eux. Le cheikh a expliqué que cette partie du verset fait référence au fait qu'Allah est omniscient. Il connaît le futur de ses serviteurs, c'est-à-dire ce qu'il va advenir dans leur vie et ce qu'il va émaner de eux comme acte et comme parole, mais également ce qui a eu lieu dans le passé, c'est-à-dire ce qu'ils ont accompli comme acte. Toute œuvre qu'ils ont accomplie, que cette œuvre soit grandiose ou qu'elle soit minime, que ce soit des œuvres de bien ou des œuvres de malfaisance, Allah les connaît toutes. Et il mentionna le verset de Sourate Al-Mujadala, le verset numéro 6, dans lequel Allah a mentionné, selon le sens en français, le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils auront accompli. Allah a dénombré leurs actes. Et ils auront oublié, et Allah est témoin de toutes choses. Donc le cheikh a expliqué que Allah sait toutes choses et connaît toutes les œuvres de ses serviteurs. Et ils rendront des comptes vis-à-vis de leurs œuvres, Yom al-Qiyam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith dont le cheikh fit la mention, que celui qui d'entre vous a accompli une offense envers son frère, qu'il règle cela dès aujourd'hui, avant que ne survienne un jour dans lequel il n'y aura nul dinar, nul dirham. Note du traducteur, c'est-à-dire il n'y aura plus de compensation possible en ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, par le fait de se donner de l'argent pour réparer les torts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc avant que ne survienne un jour où il n'y aura nul dinar, nul dirham, mais les hasanat et les sayyat. Note du traducteur, ce qui est voulu, c'est que les gens régleront leur litige, c'est-à-dire les torts causés, en dédommageant les gens qu'ils auront lésés et à l'encontre desquels ils auront transgressé, en leur donnant de leur hasanat, et s'ils n'ont plus de hasanat à leur donner, alors ils prendront de leur seyyiat, c'est-à-dire de leur péché. Fin de parenthèse. Puis le cheikh Ahmed Badouh, hafidhahullah ta'ala, a expliquer que donc Allah rappellera, yani Allah fera comparaître les serviteurs et jugera les serviteurs sur des choses qu'ils auront oubliées parmi ce qu'ils auront accompli. Mais ceci également concerne les bonnes œuvres. C'est-à-dire que des personnes ont peut-être accompli des bonnes œuvres qu'ils ont oubliées. Mais Allah ne laisse pas perdre la récompense de ces bonnes œuvres. Et c'est pour cela que le cheikh a fait la mention d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionna alayhi salatu wa sallam qu'il se peut qu'une personne prononce une parole par laquelle il obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle il n'accorde pas tant d'importance que cela. Mais par rapport à cette parole, Allah l'élèvera alors en degré. Donc le cheikh a expliqué que des fois, une parole de khair, comme une nasiha, une exhortation, une recommandation, ou une science que tu as enseignée, une œuvre de bien que tu as accomplie, ça peut être une chose par laquelle Allah t'élèvera. Ensuite, concernant la suite du passage de Ayat al-Kursi, dans lequel Allah a fait savoir que les serviteurs ne savent, n'ont de science concernant son savoir que ce qu'il veut. Le cheikh Ahmed Badouchon a expliqué qu'Allah est omniscient. Allah sait toute chose. C'est absolument toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il transmet de son savoir à ses créatures ce qu'il veut. Et il mentionna le verset numéro 26 de Sourate al-Jin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait la mention du fait qu'il est celui qui détient le savoir de toute chose, yani alimul ghaib, c'est-à-dire qu'il est celui qui connaît ce qui est caché. Ce qui est caché aux autres créatures, aux créatures, Allah le connaît, car il est le créateur des créatures, il est omniscient. Il est celui qui connaît toute chose, et il connaît al-ghaib. Et il ne dévoile de sa connaissance de ce qui est caché qu'à celui qui l'agrée parmi les messagers. C'est-à-dire que donc, ce que nous savons, et c'est ce qu'Allah nous a transmis. Et parmi ce qu'Allah a transmis à l'humanité, ce qu'il a révélé à ses prophètes et à ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Et également parmi les interprétations de ce verset, le fait que lorsqu'il est voulu, yani lorsque Allah a fait mention du fait que les serviteurs ne connaissent de sa science que ce qu'il a voulu, une des interprétations fut de considérer que ce passage fait référence à la connaissance des noms et des attributs d'Allah. C'est-à-dire que nous n'avons comme connaissance vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah que ce qu'Allah a voulu nous transmettre. Et le cheikh a donné un point important. Le fait que nous pouvons connaître l'essence des noms et des attributs, mais leur réalité nous est inconnue. La réalité des attributs n'est connue que d'Allah. L'essence des noms et des attributs nous est connue. Leurs ma'ani nous sont connus. Mais la réalité des attributs ne nous est pas connue. Elle n'est connue que d'Allah. Et c'est un point important, car c'est une base des gens de la Sunna dans le sujet des noms et des attributs d'Allah. Et une troisième interprétation de ce passage fut que ceci fait référence à la connaissance des jugements. Et les ulémas ont dit que ces trois interprétations seraient valides. C'est-à-dire, soit ce passage fait référence à la révélation qu'Allah a fait à certains de ses serviteurs, ou soit ceci fait référence à la connaissance que nous avons des noms et des attributs d'Allah, ou soit ceci fait référence à la connaissance des jugements émis par Allah. Ensuite, dans le passage suivant, il est fait référence au fait que son coursi, c'est-à-dire son repose-pied, note du traducteur, je traduis modestement le terme coursi par repose-pied, mais ça ne contient aucune connotation de nécessité envers le repos. Non. Et ma traduction de ce terme coursi par repose-pied est basée sur le tafsir du mot coursi par Abdullah ibn Abbas, qui avait dit que c'était là où se trouvent les pieds, faisant référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, son coursi, son repose-pied, est plus vaste que les cieux et la terre. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun a ramené un athar, une narration de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est une narration qui est mawqufa, mais qui a le hukm du rafa, note du traducteur. Le cheikh n'a pas expliqué ce qu'il a voulu dire par ce terme-là, parce que c'est des termes techniques du mustalah al-hadith. Qu'est-ce qui est voulu, et j'ouvre ici une modeste parenthèse, afin de clarifier cette expression. C'est une narration qui est mawqufa, mais qui a le hukm du rafa, dans le sens où c'est une parole affirmée par Abdullah ibn Mas'ud. Il n'a pas affirmé que le messager d'Allah a dit cette chose. Il l'a dit lui-même. Il a dit cette chose lui-même. Mais quand un compagnon s'exprime concernant quelque chose qui est relatif à l'au-delà, concernant le cachet, et qu'on sait qu'il ne prenait pas des narrations des Israélites, des Bani Israël, alors ce qu'il dit, on le considère comme étant quelque chose qu'il n'a pu prendre que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on considère ça comme étant quelque chose qui est marfou, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on va affirmer comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce compagnon ne peut s'exprimer à ce propos, concernant ce sujet, qu'avec ce qu'il aurait pris du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose qui est mawquf, c'est-à-dire que c'est la parole du sahabi, mais le contenu de ce qu'il a rapporté ne peut venir que du prophète, donc ça a le hukm du marfou. Voilà le sens de ce qui était voulu par les propos tenus par notre noble cheikh. Et donc dans la narration mawquf qui a le hukm du raf', il y est fait mention de la dimension extraordinaire et de la dimension du coursi par rapport aux cieux et à la terre. En effet, Abdullah ibn Mas'ud a expliqué que les sept cieux, avec leur immensité, donc les sept cieux en comparaison du coursi, c'est comme si on comparait le fait de jeter sept pièces, sept dirhams, dans une étendue désertique. Ceci est la comparaison des sept cieux par rapport à le coursi en termes de dimension et de taille. Les sept cieux par rapport au coursi, c'est comme sept pièces jetées dans le désert. Et il mentionna que l'arche, une autre créature d'Allah, l'arche faisant référence au trône. Le trône d'Allah est encore plus grand que le kursi. Et il mentionna un ijma, c'est-à-dire l'unanimité des gens de la sunna, qui fut rapportée dans Usul Sunna par son auteur Ibn Abi Zamanayn, rahimahullah. Parmi les imams de la sunna, dans son livre Usul Sunna, il a rapporté l'unanimité des adeptes de la sunna concernant le fait de croire que le trône, l'arche, est la plus grande création d'Allah et en est la plus élevée, et qu'Allah est au-dessus de son trône. Et le Kursi, c'est là où se trouve, c'est une créature d'Allah et c'est là où se trouvent les pieds d'Allah. Et il mentionna un point important concernant le fait que les polythéistes et les gens de l'innovation qui se sont égarés dans le sujet des attributs d'Allah, en niant les attributs d'Allah ou en établissant des similitudes entre Allah et ses créatures, ces catégories d'individus n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, ne l'ont pas estimé à la manière qui lui sied, qui lui revient et qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le polythéiste, lorsqu'il adore autre qu'Allah, alors que ces créatures et ces êtres qu'il adore en dehors d'Allah n'ont pas les attributs d'Allah, ne sont pas comme Allah, et Allah est bien supérieur à tout ce qu'il lui associe. Alors cette personne-là n'a pas estimé Allah correctement, n'a pas estimé Allah à sa juste valeur, azzawajal, à son noble rang, subhanahu wa ta'ala. De même, les négateurs, al-mu'attilah, ceux qui ont nié les attributs d'Allah, voulant préserver Allah d'être accusé ou d'être l'objet de similitudes et d'assimilations avec ses créatures. Eux-mêmes n'ont pas connu Allah comme il se doit et n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur et ne lui ont pas donné son rang. De la même pour les mumathilah et les mushabbiha, ceux qui ont établi entre Allah et ses créatures des similitudes. Ils n'ont pas connu Allah de la manière qui sied. Et n'ont pas estimé Allah et n'ont pas donné à Allah le rang qu'il mérite, azzawajal, dans l'interaction qu'ils ont envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et concernant les cieux et les terres, les cieux et la terre qu'Allah a créés, dans Ayat al-Kursi, Allah a mentionné que et leur maintien ne lui provoque aucune fatigue. Le cheikh a expliqué que il y a en cela l'affirmation du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui contrôle toute chose et que ceci ne lui provoque aucune fatigue. Et il a réfuté une affirmation qui vient des Yahoud et des Nasara parmi les communautés ayant prétendu que Allah aurait créé les cieux et les terres en 6 jours et que le septième jour il se serait reposé. C'est une croyance qui est connue chez les Nasara notamment. chez les chrétiens. Et ceci fut réfuté dans le Coran. En effet, dans le Coran, Allah a mentionné qu'il a créé les cieux et la terre, il a donc créé la création, et que ceci ne provoqua aucune fatigue chez lui. Subhanahu wa ta'ala. Et la fin de l'ayat al-Kursi contient deux noms. Wa huwa al-Ali al-Azim. Al-Ali, c'est-à-dire le Très-Haut, et ça c'est bi anwa' al-ulu thalatha. Le cheikh a mentionné que ceci fait référence, ce nom fait référence notamment à trois types d'élévation. Lorsque l'on dit qu'Allah est le Très-Haut, il est le Très-Haut et celui qui a l'attribut de la hauteur de trois façons. Il a ulu dhat, c'est-à-dire que de par son être, de par en son essence en lui-même, il est au-dessus de ses serviteurs. Il est au-dessus de ses serviteurs. Également, ulul makana ou ulul qadr, c'est-à-dire le fait de par la perfection de son être, la perfection de ses attributs, il est au-dessus de ses serviteurs et au-dessus de ses créatures, de par son rang. Et ensuite, il a mentionné la troisième catégorie qui est ulul qahr. L'ulu de par al-qahr, la domination. Le fait qu'il domine et qu'il possède, il a la suprématie et la domination suprême, totale et absolue sur l'ensemble de sa création. Ensuite, il a mentionné le nom d'Allah al-Azim, c'est-à-dire l'immense, subhanahu wa ta'ala. Faisant référence à al-Azama. Et le cheikh a conclu son allocution par le fait de mentionner que connaître ses sens, connaître Allah, ceci est une cause d'augmentation de la foi. Et cette augmentation dans la foi et cette augmentation dans la connaissance d'Allah est une cause d'augmentation de la crainte révérentielle que l'on éprouve vis-à-vis d'Allah. Et il mentionna un adage, une parole de sagesse chez les pieux prédécesseurs qui était de dire que quiconque Yani, il sera plus savant d'Allah, alors il sera encore plus craintif de lui. C'est-à-dire que quiconque augmente dans sa connaissance qu'il a d'Allah, alors augmentera dans la crainte révérentielle qu'il éprouve vis-à-vis d'Allah. Et celui qui connaît véritablement Allah, alors adorera Allah seul. Non. Et les polythéistes qui ont adoré des êtres en dehors d'Allah, en vérité, n'ont pas connu Allah comme il se doit. Car ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est déficient et faible. Et loin de la perfection. Et c'est en cela que, lorsque l'on sait cela, c'est-à-dire que l'on a compris qu'Allah est parfait en tout sens, et qu'il a la perfection suprême et totale et absolue dans ses attributs, et que l'on médite sur la déficience, les manquements, les faiblesses qui se trouvent dans les êtres qui sont adorés en dehors de lui, on comprend le sens de la parole d'Allah que le cheikh a mentionné dans Sourate Luqman, dont le sens en français est le suivant. Et certes, le polythéisme est une injustice énorme. Et donc, avec ceci, je conclue donc ma modeste tentative de traduction approximative et résumée des propos de notre noble cheikh Ahmed Badoukhoun. Nous implorons à Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs, de nous faire bénéficier de ce qu'il nous a enseigné, et de nous enseigner ce qui nous sera bénéfique, et de nous préserver d'une science qui ne nous serait jamais bénéfique. Et qu'il accorde à Cher la récompense ici-bas et dans l'au-delà pour ses bonnes œuvres, qu'Allah multiplie pour lui sa récompense et lui accorde qu'elle soit mise dans sa balance de hasanat le jour de la résurrection. Hada wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.